Sur les traces de Godzilla, de Christophe Fiat. Godzilla no ato o tadotte, Christophe Fiat saku. Nous entrons dans un immeuble. Un ascenseur nous emmène au sous-sol. Là, je découvre un spectacle insolite, étrange, extraordinaire. Des centaines de Japonais déguisés vont et viennent dans une immense boîte de nuit. Oui, c'est une soirée cosplay. Japonais ? Non. Ils portent tous le déguisement de leur héros préféré. Manga, jeux vidéo, comics, films. Sur une scène, deux femmes se battent derrière un travesti qui hurle dans un micro. Leurs costumes de plastique brillent sous les projecteurs. Puis, une peluche surgit et mime un arbitre. Je sors mon appareil numérique et je shoote. La salle est remplie de Lolita, d'hommes nus en cuir, de filles en dentelle et voile, de bourreaux et de sherpas. Je shoote. Il y a aussi des astronautes et même une infirmière en costume de latex qui masse des hommes à la chaîne. Je shoote. Plus loin, il y a des stands avec des bijoux, des sextoys, des fouets, des menottes, des pistolets électriques, des maquettes d'engins spatiaux et des androïdes grandeur nature, et même une real doll avec des cheveux bruns. Je shoote. Regarde ! Quoi ? Mais regarde ! Je n'en crois pas mes yeux. C'est une apparition. Ouais, c'est bien lui qui descend des escaliers. Sa longue queue gêne ses mouvements et on dirait qu'il flotte. Oui, c'est lui, là. Il vient vers moi. Oui, c'est Godzilla en personne. C'est le même costume en caoutchouc que dans le film d'Ichiro Honda. Mets-toi à côté de lui. Je vais faire une photo. Souris. Voilà. Maintenant, viens. Je vais te montrer quelque chose. On prend un long couloir et on passe dans une pièce à l'abri des regards et du bruit. Puis, la personne qui est dans le costume de Godzilla retire le masque composé de grands yeux et de mâchoires proéminentes. Et je vois apparaître le visage d'une vieille femme. Guy, je te présente Madame Wasaka. Elle est vendeuse de kimono à Hiroshima. Alors, c'est vous qui êtes sur les traces de Godzilla ? C'est étrange pour un Français, voire suspect. Pourquoi ? Trois entreprises françaises ont la main mise sur l'industrie mondiale du nucléaire civil. Votre pays vend de la mort en pack. Raison de plus pour m'intéresser à Godzilla. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Le 18 octobre 1945, deux mois après l'explosion des bombes atomiques américaines à Hiroshima et Nagasaki, Charles de Gaulle ordonna la création du commissariat à l'énergie atomique. En 1952, soit deux ans avant la sortie de Godzilla sur les écrans, la France expérimenta l'électronucléaire et inaugura une première vague de centrales. Dans le même élan, en 1953, soit un an avant la sortie de Godzilla sur les écrans, je sais compter. Le président américain Eisenhower lança le programme Atoms for Peace, ouvrant la porte à l'application commerciale de l'énergie nucléaire. Votre président, aujourd'hui, ne cesse de promouvoir l'industrie nucléaire civile à chacun de ses déplacements. Madame Wasaka, je ne travaille pas pour le gouvernement. Guy est écrivain. Si vous voulez trouver Godzilla, écoutez son esprit. Strong Spirits Rebuild Japan, c'est ça. À Iwaki, j'ai cru entendre sa respiration. Ça venait de la mer. Vous êtes sur la bonne voie. Savez-vous d'où vient son cri ? Il a été inventé par le musicien qui a fait la bande originale du film. Oui, monsieur commerçant. Ce cri est une œuvre d'art. Un jour, Ifukube Akira eut l'idée de frotter un gant de cuir recouvert de résine sur les cordes détendues d'une contrebasse et de l'enregistrer. Et le résultat a été exceptionnel. Jamais un tel cri n'avait été entendu au cinéma. Ce cri faisait partie de la vie d'Ifukube. Il était en lui depuis longtemps. Saviez-vous que pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il travaillait sans protection sur l'élasticité et la résistance des vibrations du bois au rayon X, il était exposé à des radiations. Non. Il est le premier musicien de l'âge atomique. De plus, il est né sur l'île d'Hokkaido, qui est une région où vivent les Aïnous. Les Aïnous donnent une grande place à la musique dans leur culture. Et Yves Koubé est aussi le fils d'un prêtre shintoïste. Les esprits, monsieur Commerson, les esprits. J'entends de la musique. Ça chante dans ma tête. Je n'entends rien, moi non plus. Contre Godzilla, Gida, le monstre à trois têtes. Invasion Planète X, Godzilla. Ça y est, ça passe. Le son baisse. C'est fini. Je n'entends plus rien. Alors ? Je crois bien. Je crois que je viens de rentrer en communication avec l'esprit de Godzilla. Et ça fout la trouille. Ah, vous, les Occidentaux, comme vous êtes impressionnables. Puis, après avoir dit ça, Madame Wasaka a remis son masque et elle est repartie dans le labyrinthe du département H en dansant dans son costume de caoutchouc. Je suis resté seul un long moment avec Momoko Koshi, sans rien dire. Puis je lui ai demandé de me réciter le poème qu'elle m'avait dit sur la grève à Iwaki. La mer est ensanglantée. Ce sang versé en vin colore le courant noir de la couleur du sang. Ce courant rouge gémit, il crie. Il tourne autour du Japon, telle une bête furieuse. Et on le voit qui aboie tristement. ゴジラの後をたどってクリストフ・フィアット作 Sur les traces de Godzilla de Christophe Fiat avec Mohamed Rouabi, Junko Murakami, Yumi Fujimori, Gabriel Dufay, Seiji Tanaka, Kazue Maton. Équipe de réalisation Olivier Dupré, Mathieu Perrault, Viviane Demeyer, Jack Taroni.